Zoomek. Ouais, là je t'entends. Vas-y. Est-ce que moi si c'est trop bas ou trop fort, tu peux régler le volume hein, de ma piste sur Ninjam. Thank you. Mec? Là, je t'entends bien là, parce que j'ai augmenté le son de l'ordinateur et j'ai baissé un peu mon volume au moins. Thank you. Mec,